La nuit, un patrimoine radiophonique. Une éducation intellectuelle antidémocratique. Un foyer d'une grande modestie, la pauvreté même. Un grand-père d'origine socialiste. Et puis la lecture de Maurras. Et puis la collaboration avec l'ennemi durant la Seconde Guerre mondiale. Lucien Combel. En 1988, pour France Culture, Pierre Assouline rencontrait Lucien Combel. 5 entretiens pour À voix nue. À noter qu'un livre, Le fleuve Combel, de Pierre Assouline, publié chez Gallimard, témoigne de l'histoire d'un homme et d'une amitié étonnante entre deux êtres que tout oppose. Voici cette nuit les 3 premiers entretiens de cette série d'À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Premier entretien, 1913-1940. La Cour de justice, le 28 décembre 1944. Lucien Combel a 31 ans. Parce qu'il fut durant l'occupation directeur de l'hebdomadaire Révolution nationale et qu'il écrivit nombre d'articles collaborationnistes, il est inculpé d'intelligence avec l'ennemi. Et grâce aux circonstances atténuantes, Lucien Combel ne sera condamné qu'à 15 ans de travaux forcés. Alors Lucien Combel, est-ce que vous n'en avez pas un petit peu assez, 40 ans après, d'être toujours considéré, d'être toujours tenu comme ce que vous appeliez vous-même le collabo de service ? Oui, absolument. J'ai publié avec Péché d'orgueil et le livre qui a suivi Liberté à huis clos, ce que je considère comme, en fin de compte, le récit de mon itinéraire idéologique. Bien, je considère avec ces deux livres avoir, si vous voulez, réglé mes comptes, comme le pays d'ailleurs et la justice française ont réglé leurs comptes avec moi, en me condamnant. Bon, le collabo de service, en effet, je n'ai plus envie du tout de parler de ce passé, non parce que je regrette mes actes ou mes écrits, pas du tout. Je ne regrette rien, parce que ma génération a été sollicitée par des événements d'une telle importance que je ne pouvais pas échapper à une sorte, disons, d'engagement. Je ne pouvais pas rester en dehors de cette grande histoire, car ça a été une grande histoire. Je ne pouvais pas rester en dehors, je ne pouvais pas rester neutre, ça n'était pas dans mon tempérament, et de plus, à ma manière, c'est vrai, j'ai payé l'influence dans ma toute jeunesse de Charles Maurras. C'est indiscutable. Mais cela dit, je ne veux plus en effet que l'on me demande de témoigner sur cette période parce que je n'ai plus rien à dire et j'ai surtout plus du tout envie d'être traité en quand même en réprouvé. On va y revenir, mais reprenons au départ. Comment tout a commencé pour vous ? Comment avez-vous quitté votre milieu d'origine, qui est un milieu assez pauvre ? À Rouen, pour monter à Paris et connaître et rencontrer des gens d'un milieu complètement différent du vôtre. Je suis né en effet à Rouen, dans un milieu pauvre, et puis parce que ouvrier de toute manière, mais comme mon père a disparu en 1916, alors que j'avais 3 ans, ma mère en 1918, alors que j'avais 5 ans, je me suis retrouvé chez mes grands-parents paternels, et mon grand-père, qui était un ouvrier ferronnier, avait un salaire extrêmement modeste. Nous logions dans le faubourg ouvrier dit de Saint-Sever, à Rouen, dans une maison qui, faut pas hésiter à le dire, ressemblait beaucoup plus à un taudis qu'à une maison normale. C'était vraiment une vieille masure. Mon grand-père était d'opinion socialiste, qui avait d'ailleurs l'élégance de porter le dimanche un pantalon de velours différent de celui de la semaine, tenu par une ceinture de flanelle rouge. Et j'ai vécu dans un foyer d'une telle modestie que j'en étais parfois gêné. Est-ce ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé le premier livre, disons, expliquant un peu ma vie, « Péché d'orgueil ». J'étais peut-être un petit orgueilleux qui tolérait mal, qui acceptait mal la condition misérable de mes grands-parents. Et néanmoins, ma grand-mère a été une femme très dévouée, mais qui malheureusement a perdu son compagnon, c'est-à-dire mon grand-père. Et puis, je me suis retrouvé seul avec elle, dans des conditions matérielles extrêmement dérisoires. Mais Lucien Combel, qu'est-ce qui vous a fait quitter Rouen pour Paris? Quel était le déclic? Ah, mais vous allez bien vite, Pierre Assouline, parce que pendant que je suis à Rouen, en culotte courte, en train de me réfugier le plus souvent possible dans le port, parce que le port, c'est une manière de s'évader. Un port, c'est merveilleux. On rêve. Bon, quand on est né dans un port, on a une mentalité très différente de celui qui est né à l'intérieur. Eh bien, c'est que, à 15 ans, je me suis mis à lire l'Action française. Je suis devenu camelot du roi. À Rouen déjà. Oui, j'ai vendu l'Action française devant le parvis de la cathédrale et devant d'autres églises d'ailleurs de la ville, ça ne manque pas à Rouen, et j'étais camelot du roi. Et je lisais l'Action française avec un plaisir que je ne renie pas, parce que en même temps que j'étais élève de l'école communale du quartier de Saint-Sever, j'avais, avec l'Action française, une lecture d'une rare qualité, il faut bien le dire. Un journal qui, chaque matin, a un éditorial de Léon Daudet, puis les interminables, il faut bien le dire aussi, colonnes de Charles Maurras, et toujours je parle de la Une, la page Une, tout à fait à droite du journal, le billet de Jacques Bainville, l'historien. Comment voulez-vous, Pierre Assouline, que je ne sois pas comblé quand on a envie de lire, qu'on a envie de se cultiver, comblé par la lecture de ce quotidien qui restera vraiment exemplaire? Mais par la découverte de l'Action française, vous avez finalement trouvé la politique et le journalisme avant la littérature. Il est difficile de nier quand même, oui, la politique, vous semblez faire une différence entre politique et littérature. Là, en l'occurrence, dans un journal comme l'Action française, la littérature y trouvait son compte largement, autant que la politique d'ailleurs. C'est bien vrai. Mais j'étais satisfait dans la même, c'était l'époque bien sûr où je lisais comme tous les petits garçons Jules Verne et Alexandre Dumas. Ma grand-mère avait beau être pauvre et ne pas avoir de livres, il n'y avait pas de bibliothèque chez elle. Elle avait dû être grande lectrice des feuilletons des journaux de son époque, et elle avait découpé les feuilletons, qui étaient bien souvent d'ailleurs des feuilletons signés Alexandre Dumas. Vous avez quitté Rouen à quel âge ? 19 ans. Et ça a été un déchirement, cet engagement, cette décision, ou bien non, pas du, naturellement ? Pas du tout, parce que ça correspondait au désir de faire des études, d'abord un désir de liberté. J'en ai profité d'ailleurs à cette époque, ayant bénéficié d'un petit héritage familial inattendu, venant des grands-parents maternels. J'en ai profité pour dépenser cet argent en allant me promener en Espagne, qui était une manière pour moi de marquer mon désir d'indépendance, ne plus dépendre de ma grand-mère. Et puis, le désir aussi, au retour de l'Espagne, de m'arrêter à Paris pour y commencer, car à l'époque c'était possible, une licence libre en Sorbonne, une licence de lettres. L'argent que j'avais quand même pas trop dépensé, me permettant de loger à une époque, ça n'était pas très cher, dans des hôtels du quartier latin. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me retrouve à Paris, dans un monde tout à fait différent de celui de Rouen, ayant laissé là-bas à Rouen ma grand-mère, qui d'ailleurs y est morte. Mais de quoi vous viviez à Paris ? Comment ça se passait ? Parce que les études en Sorbonne, c'était presque pour vous faire plaisir, en quelque sorte, puisque vous ne poursuiviez pas une carrière universitaire, en effet, professorale. En effet. Et alors, je vivais de leçons particulières que je donnais à des jeunes gens qui en avaient besoin, bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître les quartiers chics, élégants de la région parisienne. J'ai donné des leçons à Neuilly, j'ai donné des leçons dans des familles qui avaient de quoi payer, en effet. Bon. Et alors, vous pourriez me demander quelles leçons donniez-vous ? Très simple. Le latin et la littérature. Quand vous étiez donc ce jeune professeur de son particulière, est-ce que le fait d'être Camelot du Roi et d'être dans ce milieu vous a permis d'avoir un peu plus de relations ou pas ? Pas du tout. Non ? Ah, pas du tout. D'abord, à cette époque, j'avais abandonné l'Action française. Ah bon, il n'était plus monarchiste ? Non, du tout. Pourquoi ? Parce que c'était avant le 6 février 34. Après. Ah, c'était après. Donc après, le 6 février 34 n'a joué aucun rôle dans mon éloignement de l'Action française. C'est parce que je m'étais mis à lire beaucoup, beaucoup d'écrivains très étrangers à l'école maurassienne. Et si je n'avais pas encore découvert Gide, par contre, j'avais découvert un écrivain qui m'a, lui, aidé à me détacher de l'Action française, c'est Rémy de Gourmont. Pour moi, Gourmont est un écrivain très important. Je passais mon temps sur les quais à la recherche des livres de Gourmont. Je crois d'ailleurs qu'à petit à petit, je suis arrivé à tout avoir de Gourmont, tous les bouquins de Gourmont qui étaient publiés au Mercure de France, puisqu'il était, lui, un des cofondateurs du Mercure de France. Oui, mais je ne saisis pas, Lucien Combelle, en quoi le fait d'aimer lire Gourmont puisse éloigner l'Action française. Ah, mais parce que Gourmont, d'abord, n'était pas maurassien. Bon, mais il y a d'autres écrivains qui ne le sont pas, qui ne nous empêchent pas d'être Action française. Eh bien, à l'époque, disons qu'il y a eu des influences de lecture qui ont contribué beaucoup à m'éloigner de l'Action française. Il n'y a pas eu que Gourmont, bien sûr. Il y a eu Mauriac, ah oui, que j'ai beaucoup lu à l'époque. Il y a eu Bernanos, Alors, lui, on peut dire qu'il aide à s'éloigner de l'Action française, puisque lui-même s'en était éloigné. En tout cas, Gourmont, c'est très frappant parce que, on va parler de Léotot tout de suite. Il y a une Léotot que vous rencontrez pour la première fois en 36 et frappé à la première rencontre du fait que justement, les deux écrivains dont vous lui parlez le plus souvent et qui semblent vous fasciner le plus en 36, donc, ça c'est d'après son journal littéraire, c'est Rémy de Gourmont et André Suarez. André Suarez, qui est aujourd'hui aussi un écrivain très oublié, justement. Et il est fasciné parce que lui, bon, il vous entend louer Suarez, lui il n'aime pas beaucoup, même pas du tout, il trouve superficiel, faussement solitaire, etc. Et j'ai retrouvé dans le journal de littéraire de Léotot, où on parle souvent de vous, ça, et on parlera souvent de Léotot au cours de ces émissions, que vous paraissiez fasciné, d'après Léotot, par la grandeur, la solitude et la culture de Suarez. Est-ce que c'était vrai à l'époque ? C'était vrai à l'époque, mais semble-t-il, je me trompais. Pourquoi ? Ah ben, je me trompais, c'est Léotot qui me disait, lui il ne croyait pas à tout cela. Et ensuite, lorsque j'ai cherché à mieux connaître Suarez et surtout à le rencontrer, il habitait, je me souviens, dans le quartier de Boulevard Henri IV, j'ai été très déçu par mes contacts avec lui. J'ai trouvé un bonhomme très, très décevant. Je ne peux pas trouver d'autre mot. Décevant. Oui. Mais si vous voulez, ces sortes de réticences, aussi bien chez Léotot que chez Gide à l'égard de Suarez, m'ont paru après coup comme un petit peu des questions d'amour propre d'homme de lettres. C'était fait plutôt pour me gêner et pour me déplaire. Oui. Lucien Combel, dans le journal littéraire de Léotot, qui est devant une mine concernant énormément de personnages, et notamment vous, mais enfin quitte à prendre aussi avec des pincettes, parce que c'est Léotot. Donc, dans son journal, il dit que, à propos de vous, que vous n'avez été guidé que par l'ambition, et que vous-même, vous aviez dit à Léotot, « Je suis ambitieux, la littérature me paraît insuffisante à contenter mon ambition, j'entre dans un parti politique. » Là, on brûle un peu les étapes, parce que ce sera un peu après. Mais est-ce que, déjà, en 35-36, vous étiez quelqu'un d'un jeune ambitieux, au sens où lui le voit ? Je ne sais pas, Pierre Assouline, si le fait d'être ambitieux est une tare. Ambitieux, je l'ai été, oui, bien sûr. Je ne serais pas sorti de mon quartier ouvrier de Rouen si je n'avais pas été ambitieux. Donc, je n'ai pas honte d'avoir été ambitieux. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été sans doute aussi orgueilleux. Ambitieux, orgueilleux, ça va ensemble. Le passage que vous me citez de Léotot, je le connais. Il a un défaut, il est incomplet. Parce que je ne lui ai pas dit que la littérature était insuffisante pour me satisfaire et que la littérature étant insuffisante, j'entrais donc dans la politique pour compenser. C'est pas ça du tout. Il est incontestable que l'idéologie, chez moi, la première, la toute première, celle de Maurras, m'avait beaucoup influencé. Et qu'à travers le cheminement qui a été le mien, qui a été contemporain d'événements comme la guerre d'Espagne, tout ça. J'ai eu des choix qui ont toujours été marqués par l'influence maurrassienne, incontestablement. Êtes-vous resté maurrassien après avoir quitté l'Action française ? Je parle spirituellement, intellectuellement. Vous savez, l'empreinte de Maurras sur les gens qui l'ont beaucoup lu, elle est extrêmement profonde. N'oubliez quand même pas, Pierre Assouline, qu'en fin de compte, on a toujours dit, et je pense que c'est vrai, que le général de Gaulle était maurrassien. D'ailleurs, le comportement du général de Gaulle en politique, quand il a eu le sort de la France dans ses mains, est un comportement de maurrassien. Ne me faites quand même pas faire un cours de politique, j'en ai pas du tout envie, mais l'empreinte de Maurras est considérable. C'était quand même pas un simple journaliste, Maurras. C'était quand même un philosophe politique. Et quand on le lisait avec tous les jours, un peu comme un catéchisme, etc., comment voulez-vous qu'on n'ait pas eu un comportement à tout jamais faussé? Oui. Est-ce que vous étiez... C'était un grand sophiste, ne l'oublions pas. Oui. Et comme tous les sophistes, il avait son charme. Donc, on ne le reniait qu'avec difficulté. Un peu comme un jeune chrétien ne peut pas oublier son premier curé. Disons que moi, à ma manière, je n'arrivais pas à oublier Maurras. Alors, la politique, c'est vrai. Le choix est marqué déjà là par... par cette influence. Mais à ce moment-là, en 36, quand vous fondez la revue Arts et Idées, oui. Est-ce que c'est surtout la littérature qui l'emporte ? C'est la littérature. Alors, c'est une petite revue qui aujourd'hui est oubliée, oui. Mais dans laquelle, en la feuilletant, à partir de 36, 37, 38, on voit apparaître, outre votre signature, celle d'Armand Robin, celle de Robert Mallet, qui était votre complice. Et celle de Henri Thomas, l'écrivain, oui. Et bien, et d'autres signatures, qui Georges Pellorson, etc. Et ce journal a duré 3 ans. Vous étiez un rédacteur. Ne l'appelez pas journal, c'était revue. Une modeste revue mensuelle. Une modeste revue. Mais une modeste revue à une époque où les revues avaient une importance considérable. Oui, c'est vrai. C'est ce que Farg appelait le laboratoire d'idées pour la littérature de demain. Voilà. Est-ce que c'était le cas de votre revue? Oui. Puisque un des thèmes, disons, un des dossiers que j'ai eu l'ambition dans cette revue de traiter, c'était l'art et la morale. Ah oui. Donc, c'était, disons, la littérature, mais la littérature de pointe, de très élevée. Mais cette revue vous a permis de connaître beaucoup de gens en même temps. Bah, c'est elle qui me fera connaître Gide. Oui. Parce que une revue, quand on crée une revue, Robert Mallet d'ailleurs était de cet avis, puisque nous avons fondé cette revue ensemble. Cette revue, une revue quand on est très jeune, ça permet d'écrire librement ce qu'on a envie d'écrire, ce que Barrès appelait les Orphéons, car c'est Barrès qui appelait les revues comme la mienne les Orphéons. Bon, ça permet d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on pense, etc. Bon, eh bien, quand si vous un jour vous tombez sur la collection d'Arts et Idées, vous verrez qu'au contraire, la politique, on s'en préserve, au point que on répète sans arrêt, je répète sans arrêt, le slogan « L'art sans étiquette ». Oui, c'est la devise de la revue. Voilà. Bon, mais quand vous avez été voir Gide, c'était pour lui demander quoi ? Ah non, c'est pas passé comme ça. Avec... La présomption qu'on a à cet âge, on se croit tout permis, entre autres de s'adresser à un grand bonhomme comme Gide. Il m'avait déplu de trouver dans le Figaro un écho sur Gide qui, s'adressant à la jeunesse soviétique, lui disait que, en fin de compte, la jeunesse soviétique était moins décevante que la jeunesse française et que lui, le père de Nathanaël, se trouvait plus à l'aise avec les jeunes soviétiques, en fin de compte presque qu'avec les jeunes français. C'était l'époque où Gide baignait dans l'euphorie la plus totale. C'est l'époque de son engagement. Et qui nous vaudra d'ailleurs, après les bouquins qu'il a écrits sur ce retour de l'URSS, etc., et retouches du même ouvrage, Gide, à ce moment-là, aurait déclaré cela à Moscou, ayant une revue qui s'intitule « L'art sans étiquette », et devenu, comme je le suis à ce moment-là, un fervent lecteur de Gide et aimant beaucoup Nathanaël, je dois dire que voir Nathanaël annexé par son auteur lui-même, engagé dans cette histoire de la jeunesse soviétique, ne pouvait que me faire réagir. Je réagis donc dans Ars et Idées, lettre ouverte à André Gide, rendez compte, le style, lettre ouverte. Quel âge aviez-vous ? 23 ans. Et lettre ouverte à André Gide, etc., où je reproche au maître d'engager son enfant Nathanaël de cette manière aussi brutale et aussi décevante. Et quelle n'est pas ma surprise de recevoir dans les jours qui suivent une lettre écrite à Cuverville par André Gide répondant à ma lettre ouverte et me priant de bien vouloir publier la sienne réponse dans le prochain numéro de ma revue Ars et Idées. Vous rendez-vous compte, Pierre Assouline, l'effet que ça a pu avoir sur moi, André Gide me répondant. J'avais pas écrit du tout en pensant qu'il pouvait me répondre, mais pas du tout, du tout. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Alors, à la lettre, je publie la lettre de Gide, pensez bien. Je maintiens un peu ma position parce que c'était un peu trop facile de dire que il avait été mal compris, qu'il avait été victime de traducteurs et tout ça. Bref, comme un teigneux que je suis à cette époque, question d'âge, je publie cette lettre, j'ajoute un PS de ma veine et où je maintiens un petit peu mon point de vue, etc. Et là, il m'écrira une autre lettre en me disant qu'il regrette beaucoup ce malentendu et qu'il aimerait que je trouve le chemin de la rue Vanneau un dimanche, car c'est le dimanche en général qu'il consacre à ses visiteurs, et qu'il m'invite à venir, rue Vanneau, le rencontrer et bavarder avec lui. Et c'est comme ça qu'un jour, je prends le chemin de la rue Vanneau et je rencontre Gide. Et finalement, parce que ça se passe environ vers 36, ouais. 37, vous êtes devenu assez rapidement de ses proches, puisque c'est très vite qu'il vous a demandé d'être son secrétaire. Oui, je dois dire que ça a été pour moi encore une, ce que j'appellerais une annexe de la Sorbonne. C'est-à-dire que j'ai appris en fréquentant cet homme plus que n'importe quelle année de Sorbonne, enfin. Mais ça consistait en quoi être le secrétaire de Gide en 37 ? Ça consistait à ouvrir le courrier, répondre à certaines lettres auxquelles il ne voulait pas répondre. Lui-même donnait d'ailleurs des instructions pour que la rédaction soit facile et suivant son goût. Faire du rangement de son courrier antérieur, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert des lettres extraordinaires, dont une correspondance avec Gourmont. Et comme je continue d'être quand même sous le charme de Gourmont, je lui demanderai s'il veut bien me les prêter pour les publier dans ma revue Ars et Idées, et il y consent. Faire le classement donc du courrier antérieur, et puis lire, relire certaines épreuves. Et à l'époque, c'était les épreuves de son journal qui allaient être publiées dans la Pléiade. Ça a duré combien de temps, ce secrétariat ? Jusqu'à la guerre. Est-ce que ça vous a permis aussi de côtoyer des gens que vous n'auriez jamais vus ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué à ce moment-là, Ruvano? Oui, Saint-Exupéry. Ah oui. Saint-Exupéry, un homme d'une grande richesse humaine. C'était vraiment un plaisir de voir cet homme. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combel s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation, Marie-André Arminot. Ce premier volet d'À voix nue a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 1988. Les Nuits de France Culture, à voix nue, Lucien Combel au micro de Pierre Assouline, deuxième volet d'une série de cinq. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Deuxième entretien, 1940-1942. À partir de quand vous avez sauté le pas, si je puis dire? Si je comprends bien, vous voulez employer des mots extrêmement polis, courtois. Sauter le pas, je suis devenu le collabo. Non. À ce moment-là, il ne s'agit pas encore de collaboration. Non. Donc, je n'emploie pas ce mot-là. Quand je dis sauter le pas, c'est sauter le pas moralement, intellectuellement et politiquement. Qu'est-ce qui fait que le jeune secrétaire de Gide démobilisé se retrouve un jour ou l'autre dans un journal collaborationniste? Voilà. Bon, j'aime mieux ça. Je suis d'ailleurs, il faut bien le dire, bouleversé par cette défaite. Je n'en crois pas, mais ni mes yeux ni mes oreilles. Je refuse tout ça, je me dis c'est pas possible, mais qu'est-ce que... Bon, très bien. Je me trouve d'ailleurs en période de pré-démobilisation quand il y a l'appel du 18 juin, puisque je ne le suis qu'en novembre. Après j'entendrai l'appel du maréchal Pétain. Tout ça ne m'influence pas, ne me chatouille pas. Enfin, l'appel du 18 juin, vous ne l'avez pas entendu, et à la limite... Si, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu? Vous êtes des rares qui ont entendu. Ah, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans le Lot, alors que j'étais hospitalisé, et que la nuit, je trichais avec le règlement pour aller dans le bistrot, l'auberge du village. L'hôpital se trouvait à Alvignac, dans le Lot. Et... j'allais au bistrot, sûr d'y trouver quand même quelques amis troufions comme moi en attente d'être démobilisés. Et c'est là que j'ai entendu l'appel du 18 juin. Mais bien sûr. Ils ne sont pas nombreux. Alors, quelle impression ça vous a fait quand vous l'avez entendu? L'impression de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Car pour moi, c'était en fin de compte un général rebelle, puisque, entre-temps, il y avait eu une sorte de gouvernement qui s'installait à Vichy, et qui me paraissait être une sorte de suite. Bon, la France était vaincue, elle était écrasée. J'avais vécu, moi, l'exode d'une manière épouvantable. J'avais vu les foules, le peuple de France sur les routes, tout. Un désordre, une chienlit terrible. Bon, j'avais vécu tout ça. L'occupation allemande, je n'en avais aucune notion. Je pouvais pas, je savais pas ce que c'était d'abord. C'était un événement, ça aussi. Mais je me trouvais donc en zone dite libre. Bien. Alors, l'appel du 18 juin, ça vient en même temps que le gouvernement de Vichy. Pour moi, c'est un monde tout à fait à part. Mais pour vous, c'est un factieux qui s'exprime depuis l'étranger, de non, Gaulle à Londres. C'est un rebelle. Rebelle. Ah, je tiens beaucoup au mot rebelle. Je trouve ça sympa d'ailleurs. Si vous voulez. Oui. Parce que mon tempérament me fait toujours aimer les rebelles. Déjà à l'époque, vous aimiez les rebelles ? Ah oui, oui, oui. Pourtant, ça ne vous a pas tenté de suivre ce rebelle ? Ah, c'est autre chose, là. Vous débordez sur un terrain extrêmement important, parce que vous allez m'obliger alors à vous expliquer pourquoi j'ai cru, par exemple, à la collaboration. Oui, mais attendez, on va y venir. Mais alors, là, non, mais ne me pressez pas. Non, mais là, précisément, pourquoi est-ce que ce rebelle ne vous a pas tenté si vous avez un tempérament de rebelle ? Je n'ai pas dit que j'avais un tempérament de rebelle. Je vous ai dit que j'aimais les rebelles. C'est très différent. Très différent. L'image du rebelle me plaisait. Parce que l'appel que vous avez écouté après celui-ci, ouais, celui du maréchal Pétain, c'est vraiment pas celui d'un rebelle. Ah, pas du tout. Cet appel-ci, celui de Pétain, est-ce qu'il vous a marqué ? Il m'a paru réconfortant et rassurant parce que c'était une voix chevrotante d'un bon grand-père qui rassurait ses pauvres enfants. Tandis que l'autre, il rassurait pas du tout, lui. Il disait « La guerre n'est pas terminée, il faut continuer. » Ça avait de l'allure. J'y croyais pas. Non ? Vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous pensiez que c'était sans espoir de se retrouver à Londres avec une poignée de... Oui. Ah oui, oui, oui. Une utopie, donc. Une utopie. Oui. Absolument. Et à partir de ce moment-là, vous êtes donc resté à Paris, en zone dite occupée. Oui. Et quels ont été vos premiers contacts ? Comment ça s'est passé ? Et politique et journalistique ? Ben, journalistique et... Pas politique tout de suite. Journalistique, oui. Je me suis trouvé en contact assez rapidement avec un garçon qui avait créé un périodique de spectacle. Mais comment êtes-vous passé de ce journalisme-là à l'autre, beaucoup plus engagé ? Est-ce que c'est à cause de certains hommes, certains amis ? Par leur truchement, ou bien est-ce que c'est une évolution politique personnelle ? Je n'aime pas beaucoup, Pierre Assouline, coller des responsabilités aux autres. À l'époque, j'ai retrouvé un ami de l'avant-hier, Georges Pelorson, qui d'ailleurs avait retrouvé lui aussi ses amis d'avant, Raymond Queneau, Jean d'Asté et Pelorson. C'est là où le piège du collabo de service se referme. Pelorson avait politiquement fait un choix, puisque peu de temps après, je le retrouverai au secrétariat général à la jeunesse de l'Amiran, comme secrétaire général adjoint. Donc, je le retrouve assez rapidement dans les eaux de Vichy. Alors que je n'y suis pas, moi. Mais il y a là, si vous voulez, toute une activité intellectuelle. C'est l'époque d'ailleurs où ça fuse de partout, puisque c'est l'époque où se créent dans Paris des groupuscules politiques, des mouvements qui vaudront d'ailleurs plus tard des polémiques tout à fait ridicules. Je dis bien ridicules. Vous pensez à qui et à quoi ? Robert Hersan. Oui. Parce que Robert Hersan, en faire de lui ce qu'on a voulu en faire, c'est vraiment grotesque. Oui. Ça, je sais ce que je dis. Quand on connaît Hersan, ses origines, on sait que l'homme n'est pas du tout, n'a jamais été un, comme on a voulu le faire croire, une sorte de nazi, de SS, de je sais pas quoi, de, pas du tout. Il a été, lui aussi, il doit avoir aujourd'hui, je crois, 68 ans. Il me suit de quelques années, hélas, je suis plus vieux, mais il a été un homme qui, comme beaucoup d'autres, à la défaite de 1940, alors qu'il avait déjà quelques options et surtout quelques ambitions. Ça alors, si un mot va bien à un personnage, c'est bien le mot ambition. Mais revenons à... Donc, je reviens à avec plaisir, oui. Oui, à tous ces groupuscules, cette floraison de groupuscules, de, oui. De journaux, de, oui. De mouvements... Bon, aucun de ces groupuscules ne m'attire, ne me séduit. Un seul hebdomadaire, à l'époque, me paraît avoir le style de... Non, un seul hebdomadaire me paraît pouvoir accueillir des écrits que j'ai envie de rédiger, ce journal qui est susceptible de publier mes récits historiques, c'est La Gerbe. Pourquoi La Gerbe ? Parce que elle a adopté au départ la formule des hebdomadaires d'avant-hier qui, eux aussi, étaient publiés des récits historiques ou des romans. C'était ou Candide ou Gringoire. C'est vraiment une sorte... La Gerbe avait repris cette espèce de look journalistique. Et c'est comme ça que j'offrirai à La Gerbe mes écrits historiques. La Gerbe, qui est donc le journal hebdomadaire d'Alphonse Chateaubriand. D'Alphonse de Chateaubriand. Qui, lui, est un homme engagé. Est un homme engagé, qui est l'auteur de La Gerbe des Forces, oui. Qui est un écrivain catholique rallié au, il faut bien le dire, au nazisme. Mais il était quand même président du groupe Collaboration. Collaboration, absolument. Mmh. Et quand j'envoie ma copie à La Gerbe, je n'y connais personne. Je n'y connais même pas Alphonse de Chateaubriand. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est par ce truchement journalistique que vous entrez en politique ? Ah non. Pas du tout. Ah non, ce serait tricher que de vous. Mais à l'époque, ça. Politiquement, vous étiez quoi ? Ah, je suis encore sous le coup, sous le choc de l'événement. De la défaite. Ah oui, absolument. Et là, je ne suis pas du tout décidé à reposer mon pied dans une chapelle quelconque. Alors, absolument pas. Mais parmi les gens que vous connaissiez, les jeunes journalistes de l'époque, alors je pense à Georges Pellerson, mais aussi à Claude Roy et à plusieurs autres, et un certain nombre sont allés directement à Vichy, dans ses secrétaires à la jeunesse, pour y travailler, et en sont partis plus ou moins rapidement. Est-ce que vous avez été tenté par Vichy ? Pas du tout, pas un instant. Vichy ne me tente pas pour une simple et bonne raison, que ça me paraît tout de suite comme ça, sans y être allé d'ailleurs. C'est plus tard que j'irai. Pour d'autres raisons. Et pour d'autres raisons. Mais... Mais en 40-41, pas du tout. Pas du tout, parce qu'au départ, ça me paraît être très... D'abord trop chrétien, trop catholique pour mes goûts. Je suis déjà, hélas, sur le chemin de l'athéisme... qui m'a déjà pris bien quelques années avant, mais je trouve ça très curé, très patronage, très bonne sœur, très patronage, je trouve pas d'autre mot. Pas assez rebelle à votre goût, quoi. Voilà, ça oui. Pas assez anarchiste non plus. Oui. Pas assez... Il n'y a pas de drapeau noir. Je vous dis ça à l'avance parce que le drapeau noir m'a toujours un peu fasciné. Mais alors, votre drapeau noir, là, vous l'avez trouvé où? Où? Sous l'occupation. Dans quel mouvement, dans quelle partie, dans quelle tribune? Chez les nazis. Mais précisément. Parce que les nazis, c'est l'occupant. Mais est-ce qu'il y a un mouvement, une mouvance politique française qui vous a attiré plus qu'une autre? À un moment, les cagoulards. Oui. Le MSR. Mais avant la guerre? Non. Non. Pendant l'occupation. Oui, oui. Donc, Eugène Deloncle. Voilà. Et quelques autres. Voilà. Mais les cagoulards, la cagoule, ça s'est longtemps passé pour un mythe. Est-ce que vous, ce que vous avez vécu de la cagoule, c'est quelque chose de mythique ou de bien réel? De tout à fait réel. De tout à fait réel, parce que vous me faites encore franchir un pas, là. De toute façon, on ne peut pas ne pas parler de l'occupation. Et oui, mais on y entre brutalement. On y est, pas si brutalement que ça, mais on y est. Voilà. Comment êtes-vous entré dans la cagoule? Au MSR. Oui. Ben, simplement parce que le MSR avait un journal qui s'appelait Révolution Nationale. Le MSR, c'est le Mouvement Social Révolutionnaire. Ce journal appartenait à Jean Fontenoy, qui lui était cagoulard. Et à l'époque, la cagoule passe bien pour une organisation clandestine, terroriste, ou parce qu'avant la guerre, c'était le cas. Voilà. À l'époque de l'occupation, la cagoule est devenue un parti officiel et quasi transparent, pour employer un mot à la mode. Très peu transparent d'ailleurs, il faut bien le dire, mais un parti officiel, aussi bien que le parti de Marcel Déa ou le parti de d'Orion. Le PPF. Mais quand je rentre au MSR, puisque vous tenez à épuiser cette petite histoire, je n'y entre pas comme militant politique, j'y entre comme journaliste, parce que Révolution nationale, hebdomadaire du MSR, pose un problème de fabrication, de qualité, tout ça. Le MSR sait par Fontenoy que je suis qualifié pour faire d'une feuille de propagande, d'en faire un journal. Le MSR, ça représente combien d'adhérents, combien de militants? Ah là, j'en suis incapable de vous le dire. Aucune idée. Le tirage de Révolution nationale, ça correspondait à quoi à cette époque? À ce moment-là, 20 000, 25 000. Qui payait ce journal? Est-ce que c'était les Allemands qui payaient? Est-ce que c'était Vichy ou c'était les deux? C'était le MSR, d'abord parce que le MSR avait de l'argent, attendu qu'un des bailleurs de fonds du MSR était Eugène Schueller, l'homme de L'Oréal, que vous me posez une question qui m'embarrasse beaucoup, non pas parce qu'elle me gêne, mais parce que je ne suis pas au courant, je ne peux pas savoir, moi, quels sont les mouvements d'argent qu'il y a pu y avoir venant des Allemands ou venant des Français, venant de d'industriels français comme Schueller, par exemple. Au tout début, vous étiez simple rédacteur, mais après, vous êtes devenu rédacteur en chef. Le rédacteur en chef de Révolution nationale, c'est quand même d'où vient l'argent. Ah oui, ça oui. Oui. Donc là, vous saviez d'où venait l'argent. En grande partie de Schueller. Grande partie. Oui. Et l'autre partie, c'était qui? Laval. Laval. Donc Vichy. Ah, vous allez bien vite, là. Laval, c'est Laval. Laval, c'est pas Vichy. Laval, après avril 42, donc. Ah oui, oui, oui, c'est ça, en 43-44. Ah, oui, oui. Laval, c'est Laval. Vous pensez qu'il pouvait subventionner un journal collaborationniste sans que ce soit au nom de Vichy? Bien sûr. Enfin, qu'il le voulait? pour des raisons personnelles. Oui, mais bien sûr, parce que il était très lié, Pierre Laval était très lié avec Jean Fontenoy. Il y avait des liens de parenté, d'ailleurs. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez choisi, finalement, le camp des nazis, à propos de drapeau noir. Oui. Mais à l'époque, est-ce que vous vous disiez nazi? Non, bien sûr. Ce n'est pas le mot qui s'employait. Absolument pas. D'ailleurs, pas plus que le mot de fasciste. Chose curieuse. Les fascistes, quand même, pour les gens qui, comme moi, étaient mordus par cette idéologie ambiante, par ce climat de romantisme fiévreux. Et encore, j'atténue parce que vous pourriez me poser des questions beaucoup plus, mais ça viendra peut-être, beaucoup plus pointues. Dans cette période de fièvre idéologique, le fascisme c'était bien l'Italie, le nazisme c'était bien l'Allemagne, le tout formait un front, disons, anti-bolchevique, anti-marxiste. Le délire, car il y a délire dans tout ça, n'allait pas jusqu'à celui d'Alphonse de Chateaubriand, qui considérait que la croix gammée était une sorte de nouvelle croix chrétienne, alors que c'était une croix éminemment païenne, d'un paganisme total. Il n'y avait pas plus anti-chrétien que les nazis, à part les marxistes de bonne obédience. Bon. Alors, les hésitations, les malfaçons, les à peu près, on se réfugie dans l'idéologie, tout ça. Oui, mais de cette façon que vous avez de ne pas vouloir vous définir à l'époque ni comme fasciste, ni comme national-socialiste, mais disons plutôt comme européen, puisque vous disiez européen. Ah oui, ça oui. Vous étiez un européen convaincu, bah, ouais. L'Europe allemande, bien sûr, mais enfin. Ah oui. Ça, pour moi, il n'y avait pas d'Europe possible sans une dominante d'un pays sur les autres. Et qui ne pouvait être que l'Allemagne, pour vous, à l'époque. Ça pouvait être que l'Allemagne. Mais enfin, quand même, à côté de vous, il y avait des gens que vous voyez à l'époque souvent, comme Drieu La Rochelle, qui lui se définissait comme fasciste. Oui. Vous êtes bien injuste, là, pour Drieu La Rochelle, permettez-moi pourtant, de vous le dire. Et pourtant, il l'a écrit. Il était à la fois fasciste, comme vous le dites, mais européen. Oui, ben, en même temps, mais il le disait, il se considérait comme fasciste. Vous le voyez très souvent, vous avez même été considéré comme son secrétaire à une époque. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Vous l'étiez. Oui. De quelle année? 41 à 43. Après Drieu La Rochelle, est-ce que ce sont des secrétariats, si je puis dire, qui correspondent aussi à votre évolution personnelle, sur le plan tant littéraire que politique? Hélas, oui, parce que ça correspond, comme vous pouvez le voir, à une évolution très zigzagante. Il n'y a pas une continuité profonde là-dedans, fondamentale. Tout de même, dès Camelot du Roi à l'Europe allemande, il y a, si on veut bien chercher une continuité, beaucoup plus que si vous étiez passé par le Parti communiste et le mouvement anarchiste. Si vous prenez alors un exemple tout à fait opposé, c'est indiscutable. Oui, quand même. Mais j'aurais pu être communiste, pourquoi pas? Oui, tout est possible. Oui. Enfin, entre, disons, de Maurras à Doriot, il y a une certaine continuité, beaucoup plus que si vous avez choisi d'autres voies. Je vous signale quand même que Doriot, lui, vient du Parti communiste. Du Parti communiste, enfin du Doriot du PPF. Oui. Ah, vous voulez dire que de Maurras au PPF, il y a un lien. Il peut y avoir un lien. Vous ne trouvez pas? Non, pas du tout. Et pourtant, il y a un certain nombre de gens qui sont passés de l'Action française. Oui, mais ça, vous savez, beaucoup de gens d'Action française sont passés ailleurs sans beaucoup de rigueur. On parlait de Drieu. J'ai l'impression, d'après le journal de Léoto, que vous avez été un peu comme avant-guerre, une sorte de facteur entre Gide et Léoto. D'intermédiaire, vous transmettiez les messages de l'un à l'autre. Oui. Et vous l'avez été aussi, j'ai l'impression, avec Drieu La Rochelle. Entre Drieu et qui? Entre Drieu et puis un certain nombre d'écrivains ou de gens que vous Oui, connaissiez. parce que Drieu était un homme qui n'aimait pas beaucoup s'éparpiller. Il vivait un peu, je ne dirais pas replié sur lui-même, parce que il sortait, il avait des tas d'amis, des tas de maîtresses surtout. Il était resté très bel homme, très séduisant, faut dire. Mais Drieu fuyait un peu les hommes politiques trop en pointe. Et vous me posez une question, je sais très bien où vous voulez en venir. Vous voulez me faire dire que je l'ai décidé un jour à rencontrer Marcel Déat. Je ne vous peux pas dire, c'est vous qui le dites. Oui, mais sans doute pensez-vous à ça. Et c'est vrai. Drieu n'aimait pas rencontrer des gens comme ça. Il avait déjà, j'en suis sûr, du mal à dialoguer avec Jacques Doriot alors qu'il y avait des liens entre le PPF et lui. Mais le leader politique, il n'aimait pas beaucoup. Il était quand même homme de boudoir, de chez lui. Il avait des amitiés d'ailleurs un peu comme ça, disons, clandestines. Il était très lié avec Malraux. Avec Pollan aussi, quoi qu'il Oui, en mais ça dise. ne se savait pas. Oui. On ne voyait pas Drieu dans un restaurant de Paris en compagnie de De Pollan Pollan. ou Non, de... mais comme d'un autre côté, il était rédacteur en chef À de la NRF. de la NRF, il avait donc des Oui, bureaux bien sûr, contigus. mais vous savez, Oui. il était assez en quarantaine tout en étant en son bureau. C'est-à-dire que la maison Gallimard le boudait. On le mettait un peu à l'écart. Bon, alors vous-même, vous étiez donc rédacteur en chef de la Révolution nationale. Oui. Quel était votre statut? Par exemple, quel était le salaire d'un rédacteur en chef d'un Assez hebdomadaire comme simple. celui-ci? Assez simple. 6 000 francs. Et ça correspond à quoi, 6 000 francs de l'époque? À peu Ah, près. Est-ce que ça c'était alors, très, très, très bien payé? très modeste. Très modeste? Ah, ouais. Oui. Mais vous, vous occupiez essentiellement de l'éditorial politique. Ah oui, absolument. Bon. Et l'éditorial politique et du choix des textes. Je Bien sûr. sollicitais des textes. Alors, est-ce qu'en tant C'est pour que... ça que d'ailleurs j'avais des collaborateurs inattendus, enfin. J'ai eu quand même comme collaborateur Maurice Vuillens, qui était l'ancien directeur de la revue anarchiste Les Humbles, parce que je voulais qu'il me fasse un papier sur Marcel Martinet, qui était un poète communiste. Et qui avait été l'ancien critique littéraire de l'Humanité. Alors, je choisissais des collaborateurs, tout comme d'ailleurs j'avais décidé que je publierais des nouvelles d'un écrivain américain, malgré l'interdiction bien sûr allemande, mais qui suffisait d'un petit peu d'astuce, deux nouvelles ou trois de Damon Runyon, qui est un écrivain américain. Un peu populaire, enfin très. C'est même pas du. C'est pas un romancier, Runyon. C'est un chroniqueur du Bronx, un type tout à fait maître de l'argot américain. Et comme Fontenoy parlait magnifiquement l'anglais, enfin l'anglais de là-bas, des États-Unis, et qu'il était parfaitement à même de traduire le slang, il m'a traduit les nouvelles de Runyon que j'ai publiées, sans mettre bien sûr traduit de l'américain. Est-ce que vous aviez des démêlés avec la censure? Ou bien ça se passait... J'en ai eu du temps de la gerbe. Ah J'ai bon? fait interdire le journal 15 jours. Pourquoi? Parce que j'avais passé outre une décision de la censure allemande ayant refusé un article de Drieu La Rochelle. Je considérais qu'on n'avait pas, les Allemands n'avaient pas le droit de censurer un homme comme Drieu, qui leur faisait déjà beaucoup de crédit en collaborant. Est-ce que vos éditos étaient visés par... À tout, Tout était visé. même les billets littéraires, mais Tout était même visé. Runyon, là, l'Américain, Mais ça passait quand même. Ah oui, bah ça. Vous aviez des rapports permanents et constants avec les Allemands, ou bien Non. non? Non, un seul lien pouvait être constant suivant des besoins, s'il y avait eu utilité, c'est l'Institut. L'Institut franco-allemand, Voilà. enfin l'Institut allemand plutôt, Voilà. Karl Liebting, etc. Voilà. Et là, vous rencontriez à la fois des Allemands, et puis des écrivains français, des journalistes Voilà, français. exactement. Oui, un lieu de réunion. Dont le charmant Marcel Jourandeau. Oui. Et qui d'autre vous y voyez à l'époque? Oh, vous ne Monterland, faites pas faire la liste, mais enfin c'est tout le monde. incroyable. Chardonne, etc. Mais Chardonne, il va sans dire Céline quelquefois, mais pas tellement, lui. Céline n'était pas un homme très parisien. Vous l'aviez connu à cette époque-là? Non, avant. Bien avant? Est-ce que il y a eu une époque sous l'occupation où vous avez été pris d'un doute sur la victoire allemande? Oui, Stalingrad. C'est pas bon. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combelle s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation Marie-Andrée Armineau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 1988. Les Nuits de France Culture, tout de suite, troisième volet de cette série d'À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combelle s'entretient avec Pierre Assouline. Troisième entretien, 1942-1944. Lucien Combelle, y a-t-il un moment pendant l'occupation où vous avez senti que la victoire allemande, telle que vous la pressentiez jusqu'à présent, allait se transformer en défaite inéluctable? Oui, c'est l'année de Stalingrad, incontestablement. C'est là où j'ai senti que ça allait sans doute basculer. Ce qui n'a pas ébranlé, si vous voulez, mais ce que je pouvais croire être des convictions profondes, c'est pas parce que il y a une défaite militaire que il faut brusquement fermer ses valises et puis s'en aller se réfugier, je ne sais pas où. D'ailleurs, j'aurais été bien embarrassé. Puis, ce n'était pas dans ma tête, ça. Je voulais aller jusqu'au bout de cette histoire, très fidèlement, parce que j'y croyais. C'est simple, j'y croyais. Je me permets de vous lire ces quelques lignes. Nos complexes, nos susceptibilités, nos rancœurs et nos tics n'intéresse pas Staline. Il a autre chose à faire qu'à nous réciter les poésies de Déroulède. On l'a dit sans culture, mais avec ou sans culture, Staline joue le jeu que lui imposent les lois mêmes de l'histoire, et il n'a comme partenaire sérieux que le Führer et son Allemagne national-socialiste. Les autres, les Churchill, Roosevelt, avec leurs cohortes de fantômes, de traîtres, de vaniteux, leurs jacobins en chômage, leurs parlements miniatures, leurs évêques in partibus, sont battus et cocus d'avance. C'est pourquoi il nous plaît de répéter que le sort du continent se réglera entre Allemands et Russes, comme il nous plaît de répéter que l'Occident n'a pas d'autre mainteneur que le peuple allemand. Ça, c'est ce que vous écriviez au moment de la bataille de Stalingrad. Voilà. Est-ce que la conviction que vous avez eue à ce moment-là a changé quelque chose dans votre vie quotidienne et puis dans votre façon d'envisager votre journal et dans vos éditoriaux? Ou bien est-ce que vous avez continué comme avant? J'ai continué comme avant parce que c'est ma nature. Je crois que ça m'a valu d'ailleurs l'amitié de quelques personnes, même d'adversaires, comme... Gaston Boyer, qui était membre du mouvement Libé Nord. Gaston Boyer passait son temps à me demander d'être prudent parce qu'il considérait que je me mettais de plus en plus dans une situation intenable et sans issue. Eh bien, Gaston Boyer est venu ensuite d'ailleurs à mon procès dire que ce qui faisait qu'il avait pour moi de l'amitié, c'était ma fidélité à mes choix. Est-ce que vous avez déjà été menacé sous l'occupation? Oui, bien sûr. C'était quoi? C'était des lettres? Des petits cercueils. Des petits cercueils. Oui, oui. Et envoyés par... Je suppose envoyés par des résistants. Par des résistants. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire, Pierre Assouline, que parler de tout cela pendant que se déroulait ailleurs la guerre... et que la guerre, c'est une chose effroyable, cette tragédie, penser que dans le même temps, il y avait des gens qui se battaient et que moi, j'écrivais. J'ai, avec le recul, une certaine honte. Car j'aurais dû normalement faire comme Christian de Lamazière, j'aurais dû m'engager dans les Waffen-SS. C'est-à-dire me battre au lieu d'écrire. Vous y avez pensé à un moment? Oui, bien sûr. Quand? 43. Pourquoi en 43? Est-ce que vous avez senti que vous étiez un petit peu réduit, une certaine impuissance, à rester avec un porte-plume plutôt qu'avec une mitraillette? Ou bien est-ce que c'est la situation qui vous poussait à vous radicaliser un peu plus? Les deux. Les deux, mais il y avait une sorte de démarche un peu suicidaire, je crois. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas engagé dans la Waffen-SS? Si je vous dis que c'est peut-être par lâcheté. Je n'en suis pas très sûr, mais peut-être, peut-être. Peut-être n'avais-je pas la tripe militaire. En fin de compte, j'ai toujours mal supporté le côté militaire dans la vie. Mais est-ce que vous n'aviez pas plutôt aussi le sentiment qu'en tant qu'éditorialiste influent de la collaboration... Par contre, vous engagez le destin physique de nombreux jeunes qui, en vous lisant, pouvaient s'engager dans la FNSS ou dans la LVF. Bien sûr, et sur le moment même, je n'en avais peut-être pas mesuré toute l'importance, mais après, dans les années de prison, où j'ai eu le temps de réfléchir, d'abord d'échanger des propos, quand ça a été possible, dans les prisons où on pouvait parler... J'ai constaté là que, en effet, la responsabilité de l'homme qui écrit est fantastiquement importante. Mais au feu de l'action, aviez-vous la conscience de cette responsabilité? Pas dans le moment. Je ne l'ai eu qu'après. Il y a eu peu de journalistes, peut-être même pas, de cette importance et de ce milieu qui ont finalement posé la plume pour s'engager. Un peu à l'instar d'un Doriot qui tend sa tunique de chef de parti pour... Il y en a eu 3 ou 4. En tout cas, il y a eu Jean Fontenoy. Il y a eu Marc Augier. Alfred Caton, qui était secrétaire général de la Gerbe. Et puis il y a eu Christian de Lamazière. Oui, enfin, ce n'était pas un responsable du journal. Non, c'était certes. C'était pas un intellectuel mais responsable. Mais c'était un homme qui pouvait vivre, comme d'ailleurs il vivra plus tard, un peu en dilettante. il n'a pas du tout été un dilettante, il s'est engagé. Et puis il y a eu aussi, et c'est ce qui explique d'ailleurs la mauvaise humeur d'Antoine Blondin à mon endroit, je crois, se situe en 44. Alors justement, il y a eu une polémique sous l'occupation entre ce petit groupe et vous, et c'est intéressant de voir en quoi est significatif Blondin à propos d'un article que vous avez publié dans Révolution nationale. Blondin, vous reprochez d'être un fasciste qui se prenait trop au sérieux, d'être un révolutionnaire consciencieux, je le cite. Et lui, évidemment, s'inscrivait en faux et concluait même son article en disant « Monsieur Combel appartiendra désormais à notre guignol, il y tiendra l'emploi du fonctionnaire de la Révolution, car il manque à la fois d'humour et de sympathie. » Alors, on sent bien ce qui vous sépare d'Antoine Blondin à ce moment-là. Bon, par la suite, vous vous retrouverez. Mais au plus fort de l'occupation, vous lui apparaissez à lui et à ses amis comme un fasciste, un européen, un révolutionnaire, ce que vous étiez, mais sérieux, qui prenait tout cela au sérieux. Est-ce que ça correspond à la vérité ? Hélas, oui. J'ai pris tout ça trop au sérieux. J'aurais dû être beaucoup plus éloigné, détaché, sceptique, souriant, enfin souriant dans le sens donner à toute cette histoire un peu plus de légèreté, ne pas être un doctrinaire en effet trop sérieux, ça c'est rigoureusement vrai, et c'est pour ça que le reproche de Blondin ne peut pas m'avoir blessé, il touchait juste. Ce qui, d'ailleurs, nous a valu de rester quand même amis. Nous sommes retrouvés par-delà. Mais, cela dit, c'est vrai. Doctrinaire trop sérieux, trop rigoureux. Bref, ouais. Le contrat de ce que je suis, profondément. Depuis le début de l'émission, on parle de fascistes, on parle de nazis, on parle de collabos, sans jamais avoir trop pris soin de les définir, mais en vous écoutant et en lisant les différents articles que vous avez écrits depuis, ainsi que vos livres, on a le sentiment que pour vous, ce qui faisait le ciment de tous ces gens-là, c'était pas le fascisme, ni même l'Europe, ni même la Révolution, c'était l'anticommunisme. Beaucoup plus que l'antisémitisme, qui paraît mineur dans que vous racontez, c'était surtout l'anticommunisme. Est-ce que vous pensez cela encore aujourd'hui ? Ou l'anti-bolchevisme, comme on disait alors. Je crois surtout que, pour en revenir justement aux influences subies dans mon enfance, il y avait quand même chez moi un refus de la démocratie comme parlementaire. Voilà. Oui, du parlementarisme. Ah oui, absolument. Et j'ai d'ailleurs eu encore beaucoup de mal plus tard à prendre encore au sérieux le système de la démocratie parlementaire. Cependant, vous venez de me faire une remarque qui est importante. L'anticommunisme, c'est pas tout à fait vrai parce que lorsque Drieu-La Rochelle, ayant décidé de se suicider, passera une de ses dernières soirées d'homme libre et vivant, à Paris, en ma compagnie, ça sera pour me dire qu'il souhaitait que je devienne communiste. Oui, mais si je vous ai fait cette remarque, c'est que dans votre livre « Prison de l'espérance », oui, publié en 51, à propos de l'épuration et de l'occupation, vous écrivez à un moment « En France, pas de fascisme, mais de l'anticommunisme ». Et vous dites qu'effectivement, ce qu'il y a eu comme fasciste, dans votre milieu, ce n'était que quelques écrivains comme Drieu-La Rochelle, Ramon Fernandez, Bertrand Jouvenel et quelques autres. Mais que dans l'ensemble, le ciment de tous ces groupuscules, c'était d'abord l'anti-bolchevisme. Oui, et rigoureux. Dans une moindre mesure, l'antisémitisme. C'est rigoureusement vrai pour l'anti-bolchevisme. Et pour l'antisémitisme ? Beaucoup moins. Vous savez, Quand je suis passé à apostrophe pour péché d'orgueil, Bernard Pivot m'a posé la question « Étiez-vous antisémite ?» Il m'a été très facile de lui répondre, et ça a vraiment jailli sans la moindre hésitation, « Ni plus ni moins que tous les Français. » Et je répète d'ailleurs la même chose maintenant. L'antisémitisme en France existe partout, plus ou moins accentué, mais il est là, incontestablement. Oui, mais il y a 40 ans, être antisémite, ça avait une résonance particulière dans la mesure mais bien où sûr, c'était suivi des faits. Mais bien sûr, n'oubliez pas, et j'en profite pour le répéter, malgré l'incrédulité des gens, nous avons été des journalistes, il faut croire que nous étions quand même pas très bien informés, nous ignorions complètement l'histoire des camps. Vous pensez vraiment que tous les journalistes, même ceux qui avaient été... Je ne dis pas tous les journalistes, je dis, en tout cas, moi j'ai fait partie de journalistes qui ignoraient l'existence des camps. On n'ignorait pas les déportations, mais pour nous les déportations devaient aboutir à des camps d'internement, comme il y en avait d'ailleurs en France pour les Espagnols. Exemple Noé. Mais déjà, l'idée de déporter des Juifs dans les camps d'internement, ça vous paraissait pas suffisamment révoltant ? Question vraiment très insidieuse, parce que vous savez bien que je ne peux pas vous répondre que ça n'était pas révoltant. Seulement, à situation aussi exceptionnelle qu'une guerre, on se dit que tout est possible, y compris les internements. Mais vous n'avez jamais eu un doute pendant la guerre à ce sujet, sur le devenir des déportés ? Aucun. Vous vous êtes jamais dit peut-être que finalement on ne les fait pas travailler, mais autre chose ? Non, je pensais qu'on les faisait travailler. Parce que quand même, ces gens-là ne revenaient pas, pour la plupart. Je ne parle pas des prisonniers de guerre, je parle des déportés. Bien sûr, mais... S'étonner du non-retour des déportés israélites, ce serait aussi s'étonner du non-retour des déportés en Sibérie de la Russie communiste. C'est-à-dire qu'on vivait dans une époque où la déportation un peu partout dans le monde commençait à sévir. Quels que soient les régimes, on déportait. Ou quand on ne déportait pas, de toute manière, on internait. En France, il y avait des camps d'internement. Les internés ne revenaient pas, même s'ils étaient en France. On ne connaît pas d'interné espagnol, par exemple, qui soit revenu librement dans sa famille. Non, c'est pas possible. Les internés, les déportés, c'était des gens qui revenaient pas. Parce que on les faisait travailler, je ne sais pas, on les changeait peut-être de camp. Vous savez qu'il a été question à un moment de tractation pour chercher un pays qui accepterait les Israélites déportés en Allemagne. Je crois qu'il a été question à un moment de Madagascar. Il est certain que c'était monstrueux. Mais qui n'est pas, dans une période comme ça, qui ne pouvait pas être monstrueux ? Quand vous dites « c'était monstrueux », est-ce une opinion que vous vous êtes faite après la guerre, quand vous avez appris tout ce qui s'est passé, ou bien c'est ce que vous pensiez sur le moment ? Absolument sur le moment. J'ai toujours été un homme qui ne peut pas supporter même la plus aimable des prisons. Vous jugez que c'était monstrueux, mais vous ne l'avez jamais écrit à l'époque. Vous n'auriez pas pu, de toute façon. Je ne pense pas. Je veux dire par là que la censure, vous ne l'auriez pas laissé faire, mais en même temps, vous n'auriez pas pu, par rapport à votre statut de directeur de Révolution nationale, écrire des choses pareilles dans un journal de la collaboration. Oui, ce qui veut dire que vous voulez implicitement me dire que, ne l'écrivant pas, je l'approuvais. Non, implicitement je ne veux rien dire, mais par contre, je suggérais que, dans le même temps, un homme comme Ramon Fernandez dans la NRF se permettait de faire l'éloge de Bergson ce qui était interdit puisqu'il était juif, ou de parler de Proust, ce qui était aussi interdit. Il y avait quand même des limites qu'on pouvait franchir. Bah, je faisais aussi l'éloge de Bernanos, moi, Oui. qui lui était, vous le savez, réfugié en Amérique du Sud et violemment anti-occupation, enfin, et anti-allemand. Ça vous a valu des problèmes? Du tout. L'idéologie m'a fait beaucoup de mal, bien sûr. Mais elle m'a fait prendre des positions absolument, aujourd'hui, absurdes. Je n'ose croire avoir pu croire, moi, écrire ça. Un de mes éditoriaux de Révolution nationale était l'éloge de Robespierre et le souhait que demain un pays soit gouverné par des gens comme Robespierre. Vous aviez beaucoup d'amis parmi vos confrères de la presse de la collaboration, dans la plupart des journaux. Vous discutiez souvent, vous les lisiez bien entendu. Est-ce que dans votre journal, celui que vous dirigez, dont vous aviez la responsabilité, il est arrivé que des journalistes fassent de la délation ou de la dénonciation? Jamais je les aurais foutus à la porte. Me vient à l'esprit d'ailleurs un nom que je ne dirai pas par courtoisie, d'un journaliste qui actuellement encore travaille très correctement dans son métier, dans sa spécialité. Je l'ai mis à la porte parce qu'il venait m'apporter des échos, qu'il a d'ailleurs portés ailleurs, de dénonciation de juifs. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui il est toujours journaliste dans la presse française? Mais bien sûr. Faut pas s'étonner. Ce qui est frappant, c'est que quand on voit les échos que votre propre journal a suscité dans les autres journaux de la collaboration, il y a toujours une sympathie qui se dégage, de même qu'il y avait une sympathie qui se dégageait de la presse avant-guerre pour Arts et Idées que vous dirigez. Votre personnage et les journaux que vous dirigez suscitait toujours la sympathie, bon, évidemment pas à la presse de la résistance, et cela va de soi, mais dans la presse de la collaboration, la plupart louaient toujours la qualité des articles, la fermeté de vos éditoriaux, toujours la fermeté, et la solidité de la ligne doctrinale, car il y en Oui. avait une, de toute façon. Et ça, c'est très frappant. Mais d'un autre côté, en relisant ces exemplaires et ces journaux de Révolution nationale, on est frappé un peu par les contradictions que suppose le titre même de Révolution nationale, car c'est un titre éminemment vichysois. Vous ne l'étiez pas, vous étiez tout à fait européen. Alors comment est-ce que vous arriviez à concilier vos opinions européennes avec ce titre quand même lourd à porter? Il fallait bien que je fasse avec, car ce titre ne m'appartenait pas. Le journal avait été fondé par Jean Fontenoy et le titre lui appartenait. Quand Fontenoy m'a demandé de prendre ce journal et d'en faire l'hebdomadaire qu'il me semblerait bon de faire, je ne pouvais pas changer le titre. Je ne pouvais pas le... Enfin, il vous gênait un petit peu quand même ce titre. Bien sûr qu'il me gênait. Pour moi, c'était Vichy. C'était... voilà, c'était la terreur rose, comme je disais. Bien sûr. Et vous, vous vous sentiez beaucoup plus proche de Berlin que de Vichy? Oui, il faut bien le dire parce que le drapeau noir était toujours là, qui me fascinait. Faut pas oublier que j'ai, au fond, considéré très naïvement l'armée allemande hitlérienne. J'ai cru qu'elle allait être l'armée des soldats de l'an 2, que les soldats allemands allaient venir occuper les pays avec dans leur musette une sorte d'évangile national-socialiste. Vous voyez, jusqu'où allait ma rigueur idéologique. Or, en l'occurrence, c'est là où ça a été ma déception. L'armée allemande n'a pas été une armée révolutionnaire, ça a été une armée impérialiste et classiquement conquérante. Et je l'ai regretté. Vous en êtes rendu compte à quel moment? Oh, en 40, dès 43. Ce qui est frappant dans l'histoire de l'occupation, c'est à la fois la densité de ces 4 années, c'est rien 4 années, Derrière, il s'est passé rien du tout. tellement de choses. Oui. Et en même temps, l'accélération de l'histoire. Parce que quand on voit ce que vous écriviez déjà en 41, dans La Gerbe et dans Révolution nationale, on a du mal à imaginer que en 39, donc 2 ans avant, le même Lucien Combelle pouvait prendre la défense de Julien Binda dans Marianne contre l'action française, et l'action française, vous le reprochez à Bien Marmont. sûr. Et ça, en moins de 2 ans. Je suis le coupable, Pierre Assouline. En fin de compte, je n'ai pas trahi la France, parce que la notion de patrie m'a toujours échappé, je dois l'avouer. J'ai trahi la littérature en m'engageant dans la collaboration. Car en fin de compte, mon histoire journalistique, mon histoire politique, est une sorte de transfert de ma passion de l'écriture. Écrire pour moi, c'est une chose importante. La politique me permettait brusquement de montrer que je savais écrire encore autre chose que ce que j'avais écrit jusqu'alors. Bien, rien ne me fera plus de plaisir que de lire dans une lettre de Céline me disant que j'avais un talent authentiquement révolutionnaire. Venant de lui, c'était vraiment pour moi un compliment, disons, sans bavure et sans discussion. Bon, c'est vrai, l'écriture chez moi a été un démon. Lucien Combelle, en 44, puisqu'on arrive à la fin de la guerre, le journal que vous dirigez, finalement, enfin Révolution nationale, accueillait des gens qui étaient en rupture. Brasillach, votre ami Robert Brasillach, en rupture Oui, de de Juste Je suis Partout. partout. Drieu La Rochelle, qui était aussi en rupture de d'NRF, Oui. Nouvelle Revue Française. Et puis même Marcel Déat, collaboré à votre journal à ce moment-là. Est-ce que c'était un journal qui était perçu comme un journal en rupture par rapport au reste des journaux collabos, entre guillemets? Ou bien est-ce qu'il correspondait à la ligne, disons, européenne en général? Je ne pense pas que ce soit cela. Je pense que je bénéficiais à ce moment-là de cette attitude qu'avait été la mienne tout le temps. J'ai toujours été un homme, là encore un mot à la mode, un homme d'ouverture. Ça, c'était perçu par beaucoup de gens. Au fond, pour certains d'ailleurs purs, j'étais un impur. Qui? À qui pensez-vous? Ah, je ne vous dirai pas les noms. Je ne suis pas là pour faire une seconde épuration. Pour en finir avec la collaboration, il y a un jugement qui m'a toujours frappé. C'est celui qu'a porté longtemps après, vous savez, ce lieutenant allemand, Gérard Heller, qui était l'homme de la Pendant-Staffel et qui donc était le censeur littéraire, et qui a donc beaucoup fréquenté tous les écrivains et puis les milieux de la collaboration. Et il m'avait dit au cours d'une interview, finalement, la collaboration, c'était un groupuscule qui se donnait pour une élite. Venant de sa part, c'est assez vachard, mais en même temps, faut bien dire que c'est assez vrai. Oui. Oui. Mais groupuscule pour groupuscule, est-ce qu'on pourrait appliquer le même raisonnement à la résistance? Votre question est pertinente, assez vicieuse. Je répondrai nettement oui. Car pour moi, il n'y a pas eu de France résistante, pas plus qu'il n'y a eu de France collaborante, sur un plan national, sur un plan global, enfin sur un plan... Bon, la résistance a été un phénomène d'une poignée, d'une minorité. La collaboration aussi. Jusqu'à la fin. Pas la résistance. La résistance a grossi ses rangs à la fin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Lucien Combelle, au cours de l'été 44, à Paris? Est-ce que vous avez cherché à quitter la France? Pas du tout. Pas un Jamais. instant. Pas un instant. Mais vous saviez que vous alliez avoir des problèmes quand même. Je n'en mesurais pas la gravité à ce point-là. Non, mais après le débarquement. J'avais toujours cette idée tout à fait absurde. J'étais un homme qui avait commis des délits d'opinion. Ce qui, en temps de guerre, est tout à fait dérisoire. Mais bon. Dérisoire. Vous n'avez même pas pensé à Sigmar Ingen ? Ah, pas du tout. Pourtant, en juillet 44, vous êtes de ces journalistes parisiens qui signent un manifeste. Quel manifeste ? Ce fameux manifeste pour la ultime défense de l'Europe. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en va. Non, non, bien entendu. En Allemagne ? Je veux dire par là qu'en juillet 44, vous en êtes encore là, donc jusqu'au bout, vous y croyez. Parce que c'était après le débarquement en Normandie. Oui, non, mais d'abord, c'est une coquetterie. On ne quitte pas le navire parce que brusquement il coule. Il faut avoir quand même une certaine élégance dans la vie. Sinon, on ne se regarde plus après dans la glace. On a honte. Non, non. Alors, en août-septembre 44, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous cachez à Paris ? Oui. Je le vis avec des faux papiers qui me permettent de me... Bon, de répondre à toute demande d'identité, de contrôle d'identité venant de qui que ce soit. Faux papiers qui m'ont été donnés par des amis anarchistes. Pour la simple et bonne raison que dans le milieu anarchiste, il y a un principe qui est toujours le même. Un réprouvé, un homme traqué, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est en cavale, est sacré. Là où était imprimée Révolution nationale, il y avait un typo qui était anarchiste, qui faisait le journal avec moi, enfin qui était un des typos qui faisait le journal avec moi, et qui avait, au moment où ça allait, c'était fini quoi, m'avait proposé de venir habiter la banlieue de Paris. Combien de temps vous êtes resté caché ? 2 mois. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti à l'air libre, en vous disant, ben finalement... Un rendez-vous donné par une femme qui probablement m'a donné. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combelle s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation Marie-André Armineau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juillet 1988. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, 4e et 5e volet de cette série d'Avoix nues. À noter qu'un livre de Pierre Assouline, Le fleuve Combelle, est publié aux éditions Gallimard.